الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم من خافه واتقاه بدار فيها من كل خير مزيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الحمد والثناء والتمجيد وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد المحذر لمن عصى بنار تلظى بدوام الوقيد المبشر من أطاع بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يزالان على كر الجديدين في تجديد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته وبادروا بالسعي إلى مرضاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون خلق الله الخلق ليعبدوه ونصب لهم الأدلة على عظمته ليخافوه ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه ليكون ذلك قامعا للنفوس عن غيها وفسادها وباعثا لها إلى فلاحها ورشادها فاحذروا ما حذركم وارهبوا ما رهبكم من النار التي ذكر في كتابه وصفها وجاء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعتها دار اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فظاعتها وحمي سعيرها سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 لا يطفأ لهبها ولا يخمد جمرها دار خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المناء والإسعاد جهنم يصلونها فبئس المهاد. قطع ذكرها بطبقاتها ودركاتها وأبوابها وسرادقها قلوب الخائفين. فتوكفت العبرات وترادفت الزفرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم. ويقول النعمان بن البشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين، الجنة والنار. ثم قال وهو يبكي ودموعه قد بلت جانبي لحيته: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب. أخرجه أبو يعلى. أيها المسلمون، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وإنما تجدون من حر الصيف والهجير القيظ نفس من أنفاسها يذكركم بها. ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، وإن شدة الحر من فيح جهنم. يؤتى بجهنم يوم القيامة، تقاد لها 70 ألف زمام، مع كل زمام 70 ألف ملك يجرونها. يؤتى بها تفصح عن شدة الغيظ والغضب، ويوقن المجرمين حين رؤيتها بالعطب، وتجس الأمم حينئذ على الركب، ويتذكر الإنسان سعيه وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. قعرها وعمقها 70 خريفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع وجبة قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. وينصب الصراط على متن جهنم بفظاظتها وفظاعتها وقصف أمواجها وجلب فورانها، دحض مذلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فيمر المؤمنون على قدر أعمالهم كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. منهم من تأخذه النار إلى كعبتيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. يساق أهلها إليها نصبون وجلون، يدعون إليها دعا، ويدفعون إليها دفعا، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. النار تغلي بهم كغلي القدور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يستغيثون من الجوع فيغاثون بأخبث طعام أعد لأهل المعاصي والآثام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره؟ رواه أحمد. ويغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شوك يأخذ بهم لا يدخل في أجوافهم ولا يخرج من حلوقهم، ويغاثون من غسلين أهل النار وهو صديدهم ودمهم الذي يسيل من لحومهم. فإذا انقطعت أعناقهم عطشا وظمأ سقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها، وأغيثوا بحميم يقطع منهم أمعاء طالما ولعت بأكل الحرام، ويضعضع منهم أعضاء طالما أسرعت إلى اكتساب الآثام، ويشوي منهم وجوها طالما توجهت إلى معصية الملك العلام. بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، ثم يعاد كما كان. رواه أحمد والترمذي. وإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من النار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعانون في جهنم ما بين مقطعات النيران وسرابيل القطران، ما يقطع الأكباد ولا تطيقه الجبال الصم الصلاب الشداد، يتجلجلون في مضائقها ويتحطمون في دركاتها، ويضطربون بين غواشيها مقرنين في الأصفاد. أثقلتهم السلاسل والأغلال والقيود، قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ذل المعاصي. لهم فيها بالويل ضجيج وبالخلاص عجيج، أمانيهم الهلاك وما لهم من أسر جهنم فكاك. ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وتؤصد عليهم الأبواب، ويعظم هناك الخطب والمصاب، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ويلقى عليهم البكاء والحزن فيصيحون بكيا من شدة العذاب، وهم في فجاجها وشعوبها وأوديتها يهيمون، ويقولون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فحزنهم دائم فما يفرحون، ومقامهم محتوم فما يبرحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدمع، يعني مكان الدمع، أخرجه الحاكم. يبكون على ضياع الحياة بلا زاد، وكلما جاءهم البكاء زاد، فيا حسرتهم لغضب الخالق، ويا فضيحتهم بين الخلائق فيا حسرتهم لغضب الخالق ويا فضيحتهم بين الخلائق وينادون ويصطرخون وينادون ويصطرخون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ينادون إلها طالما خالفوا أمره وانتهكوا حدوده وعادوا أولياءه، ينادون إلها حق عليهم في الآجلة حكمه ونزل بهم سخطه وعذابه. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لا يرحم باكيهم لا يرحم باكيهم ولا يجاب داعيهم، قد فاتهم مرادهم وأحاطت بهم ذنوبهم، ولا يزالون في رجاء الفرح والمخرج حتى ينادي مناد، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، نار لا تطفأ ونفس لا تموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويتلاومون ويتلاعنون ويتقابلون ويتكاذبون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، ويشتد حنقهم على من أوقعهم في الضلال والرداء ومد لهم في الغي مدا، يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، ويقول من عشي عن ذكر الرحمن لقرينه الذي صده عن القرآن وزين له العصيان، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعهم ذلك لأنهم في العذاب مشتركون، ولكل ضعف ولكن لا يعلمون. جعلني الله وإياكم من عتقائه من النار، تلك بعض أوصاف النار وأحوال أهلها، فاستعيذوا بالله من النار فاستعيذوا بالله من النار ومن قول أو فعل يقرب إلى النار، فأنقذوا أنفسكم من النار، واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، واقتفوا آثار التوابين واسلكوا مسالك الأوابين. فهذا آوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار. يا عبد الله، يا من تعدى الحدود وغاب عن الصواب، بادر بالمتاب واغسل دنس الذنوب، وأنقذ نفسك من النار. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشمأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، أنقذوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ومن تحت ولايتكم من النار، واعلموا أن إضاعة الصلوات والتشبه بالكافرين والكافرات والفاجرين والفاجرات والنظر إلى المحرمات والتبرج والسفور وشرب الخمور كلها من عمل أهل النار، وكل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي من عمل أهل النار. فاتقوا النار، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création pour qu'il l'adore, et il aura montré les preuves de sa grandeur et de sa magnificence pour qu'il le craigne subhanahu wa ta'ala, et il aura décrit l'atrocité de son châtiment et la demeure de ses tortures, afin que les gens se retiennent de faire le mal et pour ne pas tomber dans la perversité, et pour que cela les pousse au bien et aux bonnes actions. Alors prenez garde à ce contre quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis en garde, et écartez-vous du feu de l'enfer qu'il vous a décrit dans le Coran et que vous a décrit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'enfer est une demeure dont la rage et les pétiments sont intenses, son horreur et sa chaleur s'aggravent de jour en jour et sont de plus en plus grands. Cette demeure est noire et ténébreuse, elle est pleine de désarroi et dégradante, elle est sombre et brûlante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'elle: l'enfer ne laisse rien et n'épargne rien. Elle brûle la peau et la noircit, et ils sont 19 gardiens à y veiller. Et ses flammes ne s'éteignent jamais, et ses braises sont toujours ardentes. C'est une demeure où ses habitants sont éloignés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont privés de toute jouissance et de toute élévation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant de ses habitants: l'enfer où ils brûleront, et quelle affreuse demeure. Et le fait de l'évoquer, d'évoquer l'enfer, ses degrés, sa profondeur et son châtiment terrorise le cœur de ceux qui craignent et fait couler les larmes de ceux qui ont la foi. Et ceux qui craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son évocation lâche des larmes et des soupirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ne ririez que très peu, et vous pleureriez énormément. Et les compagnons radiyallahu anhum dirent alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et qu'as-tu vu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu le paradis et l'enfer. Rawahu Muslim. Wa Nu'man ibn Bashir dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire pendant un prêche: je vous mets en garde contre l'enfer, à tel point que son manteau qui était sur ses épaules tomba à ses pieds. Rawahu Ahmad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: n'oubliez pas les deux grands événements, le paradis et l'enfer. Ensuite il dit en pleurant sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que ses larmes mouillèrent sa barbe, il a dit: par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, si vous saviez ce que je sais concernant l'au-delà, vous seriez sortis dehors dans les rues et vous auriez mis de la tête sur vos têtes. Rawahu Abu Ya'la. Et sachez que le paradis est plus proche que vous que vos propres lacets, et il en est de même que pour l'enfer. Et sachez aussi que le feu que vous utilisez ici-bas n'est qu'une partie du feu de l'enfer qui est 76 fois plus ardent. Et les moments les plus chauds et les plus froids de l'année ne sont en réalité qu'une respiration de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala et a dit: ô Seigneur, une partie de moi a consumé l'autre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de respirer deux fois, une fois en hiver et une fois en été. Et c'est le moment le plus froid en hiver et c'est le moment le plus chaud en été. Rawahu al-Bukhari. Et le jour de la résurrection, on ramènera l'enfer que l'on traînera par 70 000 cordes. Et sur chaque corde, 70 000 anges qui tirent chaque corde. L'enfer apparaîtra alors avec son bouillonnement et sa colère. Quand les criminels verront l'enfer, ils verront avec certitude qu'ils vont droit à la destruction, et toutes les communautés se mettront alors à genoux, et la personne se rappellera ce qu'elle a laissé comme bonnes œuvres ici-bas, mais cela ne lui servira à rien. Elle dira: hélas pour moi, pourquoi n'ai-je pas fait le bien pour ma vie future? Ce jour-là, personne ne châtiera comme Allah subhanahu wa ta'ala châtie, et personne ne sera ligoté comme Allah subhanahu wa ta'ala attache. Et le fond de l'enfer est profond, il est d'une distance de 70 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu un bruit, a dit: ceci est une pierre que l'on a jetée du bord de l'enfer il y a 70 ans et elle vient juste d'atteindre le fond. Rawahu Muslim. Et ce jour-là, on mettra sur l'enfer un pont pour passer par-dessus de sa rudesse et de son horreur, au-dessus du grondement de ses vagues et au-dessus de son tumulte et de ses éclats. Sur son pont, il y aura des crochets et des épines qui feront tomber les gens, et d'autres passeront selon leurs œuvres. Certains passeront à la vitesse d'un clignement d'œil, d'autres à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'oiseaux, d'autres à la vitesse de montures rapides, et certains seront sauvés, et d'autres seront happés par l'enfer. Certains seront attrapés par leurs chevilles, et d'autres seront attrapés par leurs genoux, et d'autres seront attrapés par la taille, et d'autres seront attrapés par les clavicules. Et les gens de l'enfer y seront tirés comme du bétail apeuré, puis ils seront poussés brutalement par des chaînes au cou. Ils se feront traîner dans l'eau bouillante et ensuite ils brûleront dans l'enfer. Le feu de l'enfer sera bouillonnant comme bouillonnent les marmites. Et quand ils y seront jetés, ils entendront le gémissement de l'enfer et l'enfer bouillonnera. Ul'iyadu billah. Ils imploreront qu'on leur donne à manger et on leur donnera la pire des nourritures qui a été préparée pour les gens qui transgressent et qui ont fait des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, l'arbre de Zakkoum sera la nourriture de celui qui a commis des péchés. Comme un métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en parlant de cet arbre: si une seule goutte de l'arbre de Zakkoum était versée sur terre, elle aurait rendu amère la vie des gens sur cette terre. Alors que dire de celui qui a cet arbre comme nourriture tous les jours? Rawahu Ahmad. Et on leur donnera des plantes épineuses à manger, des plantes qui ne rassasient pas et n'apaisent pas la faim et qui n'engraissent aucunement et qui resteront bloquées dans leur gorge. On leur donnera à boire le pus et le sang qui sort de leur peau. Leur soif sera tellement intense et terrible qu'on leur donnera à boire d'une source d'eau bouillante qui a atteint son plus haut degré de chaleur. On leur donnera à boire cette eau qui arrachera leurs entrailles, qui arrachera les entrailles de ceux qui consommaient l'argent illicitement. On donnera à boire de cette eau qui arrachera les entrailles de ceux qui consommaient l'argent illicitement, une eau qui détruira les organes et les membres de ceux qui faisaient et commettaient des péchés, une eau qui brûlera le visage de ceux qui ont désobéi au Seigneur de l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de cette boisson: quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on versera sur eux cette eau bouillante qui est tellement chaude qu'elle transpercera leur crâne jusqu'à arriver à leur ventre. Ensuite, leurs boyaux tomberont à leurs pieds et on les refera venir comme ils étaient pour qu'ils goûtent le châtiment. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Et la personne qui aura le châtiment le moins douloureux est celui qui sera doté de sandales de feu à ses pieds. Et ces sandales feront bouillir son cerveau. Et cette personne croira qu'il a le châtiment le plus douloureux et que personne n'a un châtiment plus dur que lui, alors qu'en réalité c'est lui qui a le moindre des châtiments. Ils goûteront dans cette fournaise un feu ardent et supporteront des chaînes et des habits de goudron et toute autre sorte de châtiment et de torture que même les montagnes ne pourraient même pas supporter. Ils gémiront dans l'étroitesse de cet endroit, ils seront coincés sous cette couverture de flammes et enchaînés à des carcans les uns aux autres. Les chaînes, les carcans et les fers à leur cou, ils pourront à peine bouger et échapper au châtiment, et ils seront saisis par la bouche et par les pieds. Le malheur et la détresse les envelopperont, et leurs visages seront noirs à cause des péchés commis ici-bas. Ils ne pourront plus jamais s'échapper ou rester impunis de leurs crimes, et personne ne pourra les sortir de cette prison où personne ne pourra défaire leurs chaînes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et il y aura pour eux des maillets de fer. Chaque fois qu'ils voudront sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. Les portes de l'enfer seront fermées et les choses ce moment deviendront de plus en plus graves et terribles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant des portes de l'enfer, l'enfer a cette porte. Et chaque porte a sa part de gens déterminés. À ce moment, ils ne pourront plus retenir leurs larmes, et ils pleureront par dépit à cause de la dureté du châtiment. Ils seront dans ces chemins, dans les chemins étroits de l'enfer et dans ces chemins tortueux, entre ces instruments de torture et ces profondeurs. Ils seront dans sa chaleur étouffante et dans son obscurité, et ils n'en croiront pas leurs yeux. Et ils diront au gardien de l'enfer, au Malik, dis à ton Seigneur qu'il nous anéantisse et qu'il nous achève. Alors Malik le gardien de l'enfer leur dira, vous y êtes pour y demeurer éternellement. Leur tristesse sera continue et ils ne seront plus jamais réjouis, et leur place sera décrétée et ils ne plongeront plus jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens de l'enfer pleureront tellement Les gens de l'enfer pleureront tellement que les navires pourraient naviguer sur leurs larmes. Et ensuite ils pleureront du sang à la place de leurs larmes. Ils pleureront pour avoir laissé passer l'occasion de prendre des provisions pour la vie future. Et à chaque fois qu'ils pleureront, cela ne fera que leur ajouter des larmes. Malheur à eux d'être tombés sous la colère du Créateur. Malheur à eux d'être tombés sous la colère du Créateur. Malheur à eux, ils seront humiliés devant toute la création. Ils crieront et hurleront en disant, Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Ô Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons cette fois à ton appel et nous suivrons les messagers. Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous afin que nous puissions faire le bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous s'en sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des gens injustes. Ils appelleront et imploreront un Dieu et une divinité qu'ils avaient désobéi ici-bas, et sa colère s'abattra sur eux et il leur dira, soyez refoulés et humiliés et ne me parlez plus. Aucune pitié ne sera faite à ceux qui pleurent et à ceux qui sont en sanglots, et on ne répondra à aucun de leurs appels, et il sera trop tard pour se racheter, et leurs péchés et leurs crimes les auront cernés, mais ils auront encore un petit espoir de sortir, jusqu'au moment où quelqu'un dira, ô gens du paradis, aujourd'hui pour vous l'éternité, et vous ne mourrez jamais, ô gens de l'enfer, aujourd'hui pour vous l'éternité, et vous ne mourrez plus jamais. Ils resteront dans un feu qui ne s'éteint pas et qui ne faiblit jamais, et aucune âme ne pourra mourir dans ce feu ou trouver le repos. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on ne les achèvera pas pour qu'ils meurent, et on ne leur allégera pas de leur tourment. Et quiconque vient en criminel vers son Seigneur, il aura certes l'enfer où il ne meurt jamais et il ne vit jamais. Et ils se maudiront et se feront des reproches et se réprimanderont, et ils se démentiront les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et à chaque fois qu'une communauté entrera en enfer, elle maudira celle qui l'aura précédée. Ils se renieront les uns les autres, et ils se maudiront les uns les autres, et leur rage et leur haine se multipliera contre ceux qui les ont égarés et menés à cette destination qu'est l'enfer. Et ils diront, Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des âmes qui nous ont égarés, afin que nous placions, qu'on nous les placions tous sous nos pieds, afin qu'ils soient parmi les plus bas. Et celui qui s'est détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dira à celui qui lui a obstrué le chemin vers le Coran et la Sunna et qui lui a enjolivé les péchés, il lui dira, hélas pour moi, pourquoi n'y avait-il pas entre toi et moi la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, et quel mauvais compagnon étais-tu? Mais cela ne leur sera d'aucune utilité, car ils seront ensemble dans le châtiment et ils seront associés en enfer et chacun aura sa part. Mais ils ne le savent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons épargnés du feu de l'enfer. Ceci était une description de l'enfer. Demandez protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre son feu et contre tout ce qui pourrait vous en rapprocher comme acte ou comme parole. Sauvez vos âmes du feu et regardez ce qui est arrivé à ceux qui étaient avant vous. Prenez l'exemple de ceux qui se repentent et qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il est encore temps de revenir et de demander pardon pour ses péchés et ses fardeaux. Alors celui qui a transgressé et dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, empresse-toi de te repentir et lave-toi des péchés que tu as commis et sauve-toi du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne rencontrera pas son Seigneur et il n'y aura pas entre toi et ton Seigneur de traducteur. Et la personne regardera à sa droite et il ne verra que ce qu'elle a fait. Et elle regardera à sa gauche et elle ne verra que ce qu'elle a fait comme œuvre. Et elle regardera devant elle et elle ne verra que le feu. Écartez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une dot en aumône. Ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. Si vous n'avez pas, yani cette moitié de date, ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Rawahul Bukhari. Sauvez vos familles, vos enfants du feu et tous ceux qui sont sous votre tutelle, sauvez-les de l'enfer. Et sachez que ne pas faire sa prière ou la faire sortir de son temps, ou ressembler aux mécréants et aux mécréantes, ou ressembler aux pervers et aux perverses, regarder des choses interdites, enlever son voile ou son jilbab, ou être dévergondé, boire de l'alcool, consommer de la drogue, tout ceci fait partie des œuvres des gens de l'enfer. Et toutes les obéissances faites à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sont des œuvres des gens de l'enfer. Craignez l'enfer et sa chaleur intense et son châtiment douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilisant. Et pour terminer, hier, comme je l'ai annoncé, inshallah, l'association Bihaoulillah va faire une quête concernant les travaux de la véranda. Pour cela, eh bien, nous sollicitons votre aide, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, et votre aide pour financer ces travaux. Et sachez, comme on l'a dit, que nous devons profiter du temps qui nous reste pour faire des bonnes œuvres. Et le fait de dépenser et de mettre son argent pour la mosquée fait partie des aumônes qui perdurent, même après la mort de la personne. Et la personne sera sous l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Et sachez que cet argent et les biens que vous avez, eh bien, ce n'est qu'un dépôt, et que c'est éphémère, et ce n'est qu'un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné pour voir ce que vous alliez en faire. Et pour rétribuer les véridiques et pour rétribuer les bienfaisants. Et la récompense de la bienfaisance n'est-elle pas la bienfaisance? ثم اعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه فقال قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الطغاة والمعتدين. اللهم ادفع عنا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا التبرج والسفور والاختلاط يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وفك أسرانا، وعاف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. ربنا تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على من تاب، اللهم تب على من تاب، وأقبل من رجع وأناب، ووفقنا لتوبة صادقة قبل يوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، قيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، اعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.